bonane du mille dix-sept. Merci mon Dieu pour mes épreuves. Ça me fait plus de comme si sans les études je revenais avec la vengeance et quelque chose à prouver. Je me suis en effet comme un ballon sous la lune. Les pensées sont nues. Sous des animaux pour tout regarde, sans ou en fou, comme si on s'entraîne de proue, brillant comme un diamant que tu n'as jamais trouvé. Mon squad en le désert, criait comme un lion, tant que les filles sont mignonnes, on n'a besoin de rien. Si tu te trouves en cauchemar avec aucun espoir, les chats, mon fils, tu dois, n'oublie pas, garde la foi, j'éclairerai ton chemin, donc n'a peu de rien. D'un peu de rien. C'est qui ne tue pas, me rendra plus fort. Après que d'abre, c'est mon montre qui n'est jamais tôt. Et je te remercie chaque jour que je passe. Encore mort, frapper le rap game à la Usain Bolt. Mon mentalité se passe, réalité condamnée. Solidarité, et je peux faire un prix. Je ne me sens pas pour ça. Si tu n'aimes pas n'importe quoi, tu portes l'espoir. Je suis gardien de cette mort. Quand je suis jeune, je tiens le futur dans mes mains. Et je garde le monde dans mes bras. À mon ruse, tu le passion, expression ne meurt pas. C'est force de vivre de toute façon. C'est force de vivre de toute façon. Ah, méchant hiver. Ciao.